J'emmerde les gens 88, j'emmerde les fachos. Voilà ce qu'ils veulent, écoutez. T'inquiète pas. Débarquement pour voir zombie, dans des paquets en package. Fais l'être barbelé sur lequel brille la nuit. Personne de tout sexe au milieu de tout ça. Je vois des degrés, tous déshabillés. Commence à se traîner en fantôme tous les jours. Pieds nus sur du béton, pire que l'atoll. Sur des baraques comme Anton, l'été c'est le four. Seul disponible la glace, juif, homo, opposant politique, suspect, coupable, innocent, étranger, pauvre. Égalité des classes, pas de chiottes, pas de cadavres de chasse. Viol, exploitation, violence psychologique, les gardiens de l'ISS, pire que les flics. De la fumée sort du bâtiment, personne ne comprend, les mères cherchent leur enfant. Plus le temps, ni le courage, ni la force de réfléchir. À l'état de machine, l'enfer ne peut pas se trouver. Avancer pour la science et l'industrie. Meilleur fonctionnement des éléments de croyance, croissance et patrie. Des valeurs qui aujourd'hui encore abondent, pétain en Vichy. Propagande pour cacher ces deux valeurs de fils qu'il y a ici. Qui m'a plus froid qu'un gardien de goulag. Qui m'a plus chaud qu'une situation de résistance. Révolte impossible, pas le temps de faire des blagues. Penser, même plus le moral. Plus rien n'est tentant, les scientifiques font des recherches sur les déportés vivants. Découvertes, encore utilisées après 2000. Terrain glissant et rare dans les villes. On ne sait pas pourquoi on est là, nu devant les familles. Pas du souffle, on peut même vous dire qu'on souffre. Exposition sur du soufre. À des vapeurs, cancérigènes, exposition, une exposition pour leur compte. Au niveau du fonctionnement de l'industrie, une révolution. La race parfaite est en admiration, en adoration devant leur propre maison. Ces maisons, ils en ont plein de corps mélangés à de la boue. Plus rien n'existe du tout, il paraît qu'on va se faire brûler. Comment vont-ils trouver d'autres moyens pour tuer? Déjà si on sort, plus moyen de se réintégrer. Si c'est pour échapper au passé, ils font des pauvres vaches, des savons, du cuir, des macabées. Le gardien arrive, encore une douche chaude et aride. Mais Quick Dark, qu'est-ce qu'un sujet sur les camps de concentration va faire au milieu de tes déboires amoureux? Ah mais ouais, mais je dis ça parce que c'est trop bien. Passé, il est peut-être passé, mais ça peut définir ton futur. Exactement. Oui, bah, avec Sarkozy, ça reste de tourner comme ça, alors fais-moi pas chier. Il y a des preuves, ça existe encore en Chine, en Russie, à des endroits comme ça.